work, and my body do the work. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go, I'm gon' do. She finesse, I fight bull, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, work, no. Work, work, work, but you gotta do work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, work, and my body do work. Do work, work, do work, yeah, yeah. We can work from home, oh, yeah. We can work from home. Les Fifth Harmony sur Skyrock avec Work From Home. On est mardi aujourd'hui, mardi 2 août, il est 5h59, bonne matinée, bon réveil. À l'écoute de Skyrock, bonne nuit aussi, peut-être à ceux qui sont en vacances, qui ont fait une nuit de fête. Une nuit où on a pu décompresser tranquillement. Ta direction le lit, en tout cas content de vous retrouver. Mehdi avec vous pour passer ce début de matinée avec vous toutes, vous tous à l'écoute de Skyrock avec Le Morning, Rap R&B et plein de sons, notamment celui de Rihanna avec Calvin Harris. This is what you came for, c'est dans un instant. Mais juste avant, on va faire un point sur l'actu de ce mardi, l'actu de sport et la météo avec Jules. Bonjour Jules. Salut Mehdi, salut à tous. Comment ça va? Nickel, nickel, nickel, et vous? Bon bah super, tu peux me tutoyer déjà. Ouais, non, c'était pour tout le monde. Après les auditeurs, je sais pas s'ils pourront te répondre. Je sais, mais je pense qu'ils vont bien. Ouais, on l'espère en tout cas. Alors la météo, elle va comment? Bah météo mitigée ce matin, avec un pays coupé en deux, de la pluie sur la moitié nord, seule l'Alsace et la Franche-Comté échappent aux précipitations, et on a du soleil sur la moitié sud. Cet après-midi, pas de grand changement, le soleil remontera un petit peu en s'installant sur les pays de la Loire. Et du côté des températures ce matin, elles vont de 17 à 28 degrés, 17 à Épinal, 18 à Lille-et-Camp, 19 à Paris et Aurillac, 22 à Bordeaux et Lyon. Cet après-midi, elles vont de 19 à 31 degrés, 20 à Strasbourg et Brest, 23 à Auxerre, 24 à Biarritz, 28 à Toulouse et 29 à Marseille. Au niveau de la pollution, c'est pas trop mal aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Orléans, 4 à Limoges et 5 à Toulon. Rihanna, c'est juste après un point sur l'actu, les 6h pile. Le cardinal Barbarin ne sera pas poursuivi en justice. L'enquête pour non-dénonciation d'actes pédophiles classée sans suite. Les victimes du père Bernard Prénat reprochaient au cardinal de ne pas avoir dénoncé à la justice les actes pédophiles du religieux et de l'avoir laissé en poste trop longtemps. L'enquête arrive donc à son terme. Le procureur a estimé que les infractions visées n'étaient pas constituées. Réorganiser l'islam en France, c'est ce que plusieurs responsables politiques souhaitent faire. Manuel Valls propose par exemple d'interdire le financement étranger des mosquées et plaide pour que les imams soient formés en France. Des idées reprises par Bernard Cazeneuve lors d'une réunion avec les représentants du Conseil français du culte musulman. Feux d'artifice, festivals, concerts, les annulations se multiplient suite aux attentats. La ville de Nice, victime d'un attentat le 14 juillet dernier, a annulé sa prom partie du 15 août. Hier, le maire de Marseille a décidé d'annuler le meeting aérien de la patrouille de France prévu le 13 août. L'enquête de l'attentat de Nice se poursuit. L'homme de 36 ans écroué, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminel et placé en détention provisoire. Il était en relation avec le tueur Mohamed Laouej Boulel, auteur de l'attentat du 14 juillet. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été au courant des projets du tueur. Il a été transféré hier à Paris. 90% des vols maintenus aujourd'hui, c'est ce que prévoit d'assurer Air France dans son dernier jour de grève. C'est même 100% des vols long courriers qui devraient décoller. Hier, plus de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens de Roissy et d'Orly. Selon le PDG de la compagnie, la grève devrait coûter des dizaines de millions d'euros à l'entreprise. On termine avec le sport, ça y est, Jérémy Ménez est officiellement bordelais. Il quitte le Milan AC pour Bordeaux jusqu'en 2019. Et puis une info insolite. élites à Naples, des pizzas seront proposées à 1 euro si Higuain se blesse. L'attaquant argentin, ancien joueur du Napoli, a été transféré il y a quelques jours à la Juve, le rival du nord de l'Italie. À Naples, il est désormais considéré comme un traître, c'est l'ennemi public numéro 1. On a vu ses maillots brûlés, servir de poubelle. Cette année, le match... Servir de cuvette des chiottes aussi. Exactement. Mais cette année, le match Naples-Juve va être très très tendu pour lui. Ils sont complètement fous ces Italiens. Ils sont tarés. Bon, retour de l'actu avec toi, Jules, d'ici une petite demi-heure. À tout à l'heure. 6h02 sur Skyrock. Bon mardi, bonne matinée, bon réveil avec du son, le Morning Rap R&B pour vous accompagner avec les cadeaux. Si la roulette qui va tourner sera tout à l'heure dans l'émission, avec l'enceinte Monster Backfloat, c'est l'enceinte flottante d'une valeur de 200 euros, et puis des compiles, on a plein de compiles aussi à vous filer. La compile Planète Rap 2016, premier son de l'émission, c'est Rihanna qui était samedi soir au Stade de France avec Skyrock pour une grosse soirée. Voici This Is What You Came For. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. What you came for? Lightning strikes every time she moves. Bisous, oui, viens faire un bisou. Je sers, tu m'as quoi tu joues. Voilà, tu vas me prendre.

l'homme de 36 ans écroué. Il serait proche de Mohamed Laouesh Boulel, le terroriste présumé du 14 juillet. Il apparaît sur un selfie où les deux hommes posent devant le camion qui a servi au drame. C'est la sixième personne mise en examen dans ce dossier. Il est inculpé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placé en détention provisoire. Le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, reçu par François Hollande hier. Cette entrevue sollicitée par le maire de la commune où a eu lieu l'assassinat du prêtre Jacques Hamel a bien eu lieu. Le maire souhaitait remercier le chef de l'État de sa présence à ses côtés très rapidement après l'attentat. Les obsèques du père Hamel auront lieu cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un trafic quasi normal pour le dernier jour de grève chez Air France. 90% des vols maintenus aujourd'hui, c'est ce que prévoit d'assurer la compagnie. C'est même 100% des vols long courrier qui devraient décoller. Hier, plus de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens. Selon le PDG de la compagnie, la grève devrait coûter des dizaines de millions d'euros à l'entreprise. On termine avec le sport. Le PSG et le Real Madrid proches de trouver un accord pour le transfert de Ressé. Le joueur espagnol du Real Madrid veut retrouver du temps de jeu et s'est dit intéressé par le projet parisien. Proposition d'un contrat de 4 ans au joueur. Et puis une officialisation pour terminer, celle de Jérémy Ménez. L'attaquant français est officiellement bordelais. Il quitte donc le Milan AC pour Bordeaux jusqu'en 2019. Et on lui souhaite la même trajectoire que Atem Ben Arfa quand il est revenu. Il était où d'ailleurs Ben Arfa? Il était à Newcastle et à Hull City. Et ensuite, un an, il était Il n'a pas joué en salle. Oui, il était nulle part, il était chez lui. C'est ça, il s'entraînait tout seul. bon, on souhaite la même trajectoire donc à Ménès. Fait plaisir à un talent qui revient en Ligue 1. Tout à fait. Jules retour vers 7h de l'actu. Voilà, à toutes. Il est 6h33, c'est mardi 2 août. Là, aujourd'hui, le Morning Rap R&B pour vous accompagner comme chaque matin toute cette semaine. Entre 6h et 9h sur Skyrock, au réveil avec le nouveau Sopran Baba. Soprano qui est en feu sur ce son. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis prêt de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur. J'ai l'impression de planer, regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, si tu me parles, si tu me touches.

rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes, mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. C'est Skyrock et Ritza avec Je m'en fous. L'horoscope tout de suite et Rihanna juste après. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et oui, votre puissance sexuelle, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, c'est tous les matins dans le morning. Rap R&B sur Skyrock. Alors 0 sur 5 là, aujourd'hui pour les Gémeaux et les Capricornes. Restez au lit toute la journée, pas d'amour et que de la poisse. C'est une journée à vite oublier. 1 pour les Scorpions et les Cancers, vivement demain. C'est ce que vous allez vous dire tellement la journée sera morose aujourd'hui en ce mardi 2 août. 2 pour les Verseaux et les Vierges, célibataires, une rencontre est prévue. Si vous êtes en couple, faites plaisir à votre partenaire avec un petit dîner, ça lui fera plaisir. 3 pour les Lions et les Béliers, beaucoup de regards seront posés sur vous. Une belle journée s'annonce. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les Sagittaires et les Poissons. Vous serez irrésistible avec en plus la chance de votre côté toute la journée. Et puis les meilleurs aujourd'hui pour ce mardi matin, c'est les Balances et les Taureaux avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Personne ne donnera ou ne recevra plus d'amour que vous. Profitez bien de cette journée parfaite en ce mardi donc 2 août. La suite du son à 6h45 dans le Morning Rap R&B, c'est avec Rihanna et Drake qu'on écoute maintenant. Voici Work sur Skyrock. Petite pensée d'ailleurs pour ceux qui se lèvent là aujourd'hui pour aller bosser, peut-être déjà au boulot très très tôt là, en train de nous écouter. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me da, da, da, da, da, da. And some of that work, work, work, work, work, work. When you walk a la, la, la, la, la, la. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me a dessert, no time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I'ma sleep a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And some of that work, work, work, work, work, work. Okay.

Soprano sur Skyrock, le diable s'habille plus en Prada sur la compile Planète Rap 2016 à gagner. Si vous faites tourner la roulette ce matin et tout au long de la journée, on a plein de compiles à vous filer et l'enceinte aussi Monster Backflow. Il est 6h52, ça se lève là pour beaucoup là pour aller bosser comme Amine07 qui nous envoie son message là sur l'appli Skyrock FM. Junior aussi qui part taffer ce matin, NJ qui nous dit déjà au boulot comme toi depuis 6h. Bisous et bonne journée Skyrock, merci à toi NJ. On te fait un gros bisou. JC56 également, chauffeur-livreur à écoute de Skyrock là avec la suite du son. On vous prévoit le son qui est numéro 1 depuis quelques semaines. C'est le tube de l'été, Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Avec le Marseillais CH, on écoute Allô Maman, 6h53, tout ça à venir avant 7h avant l'actu. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. On retrouve Patrick en direct du Tour au Havre. Quelle est l'ambiance, Patrick, à l'issue de cette étape? Eh bien, vous l'entendez ici chez Ibis Budget, l'ambiance est très festive. Tout le monde est là, réuni pour un instant convivial, mais bien sûr, pas d'alcool, on reste sport. Ah, je vois qu'on lance. Cet été, à partir de seulement 35€ la nuit chez Ibis Budget, vous aussi, faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. 6h-9h sur Skyrock. The morning rap R&B. The morning rap et R&B. Yo. Jamais Skyrock t'a offert autant de musique dès le matin. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Okay.

écouter, à découvrir en ce moment sur Skyrock. Major Lazer avec Justin Bieber, c'était Cold Water dans le morning. Rapper R&B qui continue dans un instant avec Alonso. On va écouter Binta, mais juste avant, on fait un point sur l'actu. Il est là avec Jules. Eh ouais. Salut Jules. Salut Mehdi, salut à tous. Allez, on commence par le temps d'aujourd'hui, la météo, ça dit quoi? Ouais, bah ce matin, côté météo, on a de la pluie, hein, sur toute la moitié nord. Seule l'Alsace et la Franche-Comté s'en sortent bien avec quelques éclaircies. Sur le sud, c'est un temps estival avec le soleil qui domine. Cet après-midi, ça bouge pas trop. Toujours cette précipitation sur le nord et de la grisaille sur le nord-est. Dans le sud, pas de soucis, ce sera un plein soleil. Du côté des températures, ce matin, elles vont de 17 à 28 degrés, 17 à Colmar, 18 à Roubaix et Reims, 19 à Paris et au Havre, 22 à Bordeaux et Lyon. Cet après-midi, elles vont de 19 à 31 degrés, 21 à Dijon et Caen, 23 à Avignon, 25 à Toulouse et 29 à Marseille. Au niveau de la pollution, c'est pas trop mal. Aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Guingamp, 4 à Perpignan et 5 à Cannes. Binta Alonso, c'est juste après l'actu. On est mardi, 7h31. Pas de suite à l'enquête du cardinal Barbarin. L'enquête pour non-dénonciation d'abus sur mineurs a été classée sans suite. Selon le procureur, les infractions visées n'étaient pas constituées. Les victimes peuvent quand même encore saisir le juge d'instruction. L'enquête de l'attentat de Nice continue. L'homme de 36 ans mis en examen, inculpé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle, est placé en détention provisoire. Il serait proche du terroriste présumé du 14 juillet. Il apparaît sur un selfie à ses côtés devant le camion qui a servi à l'attentat. C'est la sixième personne mise en examen dans ce dossier. Plus de 2000 personnes attendues à la cathédrale de Rouen. Les obsèques du père Hamel, assassiné par deux djihadistes, auront lieu cet après-midi à 14h en présence du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Un écran géant sera installé sur le parvis pour ceux qui n'auront pas pu y entrer. Près de Perpignan, un mort dans un échange de coups de feu. Un quadragénaire a été tué par balle. Un autre a été blessé hier soir. Les faits ont eu lieu lors d'une altercation qui s'est terminée en tir. La raison n'est pas encore connue et une enquête de gendarmerie a été ouverte. Dernier jour de grève chez Air France, 90% des vols maintenus, c'est ce que prévoit d'assurer la compagnie aérienne. C'est même 100% des vols long courrier qui devraient décoller. Hier, plus de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens. On termine avec du sport en foot. Le PSG et le Real Madrid proches de trouver un accord pour le transfert de Ressé. Le joueur du Real Madrid veut retrouver du temps de jeu et s'est dit intéressé par le projet parisien. Une proposition d'un contrat de 4 ans au joueur. Et puis, autre info, Paris Saint-Germain, 60 millions d'euros. Voilà l'offre qui pourrait être transmise au Real pour s'arracher l'attaquant Alvaro Morata. Le PSG en quête d'une doublure pour Cavani. Reste à voir si les merengues veulent le voir partir. Hier, Zizou a clairement dit en conférence de presse que Morata resterait joueur au Real Madrid. Cette année. Alors Morata qui joue à la Juve, qui est reparti. Au Real Madrid, c'est ça, il est reparti. Sans faire un match, il pourra aller à Paris, quoi. C'est ça. Ok. Bon, à tout à l'heure, pour l'actu, Jules. Il est 7h33, c'est mardi aujourd'hui, mardi 2 août. J'espère que vous allez bien, que le réveil se passe bien, que la nuit a été bonne. Allez, courage si vous allez bosser ce matin, peut-être déjà au boulot, là, très très tôt. À 7h33, ce mardi 2 août, le morning rap R&B qui continue avec, dans un instant, Mike Posner, Couleur Van Mitch, un petit classique que je vous prépare juste avant. Voilà, c'est un des sons français qui déchire, un des cartons du moment. Alonso, c'est Binta tout de suite. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a peur de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. T'es tas de conquêtes sans tasse. Toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé,

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Skyrock en version Skyrock, on va l'écouter Emotions dans le morning rap R&B qui continue à 7h51 avec Designer Panda. I got broads in the land, twisted to be in the fan, credit cards in the scams, hitting the licks in the band. Sur la compile Planète Rap 2016 qu'on vous file là tout à l'heure. Si vous restez à l'écoute du morning rap R&B, Designer à venir avant 8h. Écoutez que Hot 97 à New York. Plus écoutez que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Skyrock, première radio urbaine mondiale. Drake. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance, I'm way too good to you. Drake, nouvel album Views, disponible.

I get broads in Atlanta, Trisha Dominus, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let it sound. Over to Laddish, they be acting rats, I know we clavish you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black is six, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got Stein Gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comment. But Rolly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up in the giddy. I got niggas, this count for digits. Say you make you a lot of money. No some killers pull off in the inner, baby. CTDD pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like I'm feeling, baby. Lips up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning it. Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the rave. Doing the fool, I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas, you feel it. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacy, family, way see look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacy, family, way see panda. Pocket sport, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Big nigga pull up your banner. Killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it panda? Package full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. On vous l'a fait découvrir sur Skyrock. Designer, c'était Panda. Et dans un instant, dans le morning rap R&B, on va écouter un des sons qui marche fort là actuellement, Ken Jones avec Don't Mine. Et là, on fait un point sur l'actu de ce mardi. On est le 2 août aujourd'hui. Il est 7h59 et il y a Jules qui est là pour l'actu, le sport et la météo. Et on commence par le temps. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Ouais, un temps d'automne hein, ce matin sur le nord avec de la pluie. Seule l'Alsace et la Franche-Comté sont épargnés avec quelques éclaircies. Sur le sud, un temps estival avec le soleil qui domine. Cet après-midi, pas de changement. Toujours cette précipitation sur le nord qui va se déplacer aussi sur le nord-est. Dans le sud, le soleil restera en place. Du côté des températures ce matin, elles vont de 17 à 28 degrés. 18 à Lille et Rouen, 19 à Paris, 22 à Bordeaux et Lyon et 26 à Orange. Cet après-midi, elles vont de 19 à 31 degrés, 21 à Belfort et Lorient, 23 à Arles, 25 à Pau et 29 à Perpignan. Au niveau de la pollution, c'est pas mal aujourd'hui. Des indices entre 3 et 5, 3 à Gap, 4 à Angers et 5 à Nice. Ken Jones avec Don't Mind, ça écoutez juste après l'actu, les 8h pile. Plus de 2000 personnes attendues à la cathédrale de Rouen. Les obsèques du père Hamel assassiné par deux djihadistes auront lieu cet après-midi en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. François Hollande n'est pas attendu, lui qui a reçu le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray hier, lieu où l'assassinat s'est produit la semaine dernière. L'enquête de l'attentat de Nice se poursuit. Un homme écroué, il a été mis en examen et en détention provisoire. Il serait proche du terroriste présumé du 14 juillet. Il aurait eu connaissance du projet d'attentat. C'est la sixième personne mise en examen dans ce dossier. Manuel Valls appelle les musulmans à se sentir concernés et prendre leurs responsabilités. Financement des mosquées, organisation et représentation de l'islam font débat. Plusieurs représentants politiques veulent le réorganiser. Bernard Cazeneuve a annoncé que la fondation de l'islam de France va être relancée. L'objectif, lever des financements pour soutenir des projets culturels et éducatifs. Le cardinal Barbarin échappe à la justice. L'enquête pour non-dénonciation d'actes pédophiles n'a pas donné suite. Le procureur a estimé que les infractions visées n'étaient pas constituées. Le QG attend Nicolas Sarkozy, pas encore officiellement candidat. Le patron des Républicains aurait déjà choisi ses locaux près de la Tour Eiffel. L'entourage de l'ancien chef de l'État n'a pas confirmé l'info sans pour autant la démentir. Dernier jour de grève chez Air France. 90% des vols maintenus, c'est ce que prévoit d'assurer la compagnie. C'est même 100% des vols long-courriers qui devraient décoller. Hier, plus de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens. On termine avec du sport. La Sanadiara aurait reçu deux offres. La première, celle du club espagnol de Valence avec un salaire de 3,5 millions d'euros par an pour un contrat de 3 ans. La seconde vient de Turquie et c'est Galatasaray qui aurait formulé une offre de 5 millions d'euros par an pour un contrat de 3 ans. Niveau salaire, avantage donc Galatasaray. Allez, dernier point sur l'actu. Ce sera tout à l'heure avec toi, toujours Jules, aux alentours de 8h30. À toutes. 8h02, on est mardi aujourd'hui. Allez, courage, courage, courage. À ceux qui se

got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Et un bon petit Drake pour vous accompagner ce matin sur Skyrock. On va l'écouter One Dance. Bon mardi, on est le 2 août là aujourd'hui. On va faire un point sur l'actu, le sport, la météo avant la suite du Morning Rap R&B. L'actu, le sport, la météo avec Jules. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Allez, on commence par le temps. Est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait pas beau, comment ça se passe? Bah c'est moyen ce matin. On a le pays coupé en deux. Sur le nord, on a de la pluie. Seul le nord-est s'en sort bien avec quelques éclaircies. Dans le sud, c'est nickel avec du soleil. Cet après-midi, ça devrait pas trop bouger. Toujours cette précipitation sur le nord, elle va se décaler tout au long de la journée. Sur le nord-est, dans le sud, le soleil restera en place. Du côté des températures, ce matin, elles vont de 17 à 28 degrés, 18 à Roubaix et Reims, 19 en région parisienne, 22 à Bordeaux et Grenoble et 26 à Avignon. Cet après-midi, elles vont de 19 à 31 degrés, 21 à Brest et Lorient, 23 à Mulhouse, 25 à Toulouse et 29 à Marseille. Au niveau de la pollution, c'est pas mal aujourd'hui, des indices entre 3 et 5, 3 à Tarbes, 4 à Amiens et 5 à Cannes. Il est 8h30 tout pile, Nekfeu avec le escroc à écouter juste après l'actu tout de suite. Dernier préparatif avant les obsèques du père Hamel, le prêtre qui s'est fait assassiner par deux djihadistes la semaine dernière. Les obsèques ont lieu cet après-midi à la cathédrale de Rouen en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. François Hollande n'est lui pas attendu. 2000 personnes devraient être présentes. L'enquête de l'attentat de Nice continue. Un homme écroué, 36 ans, il a été mis en examen et mis en détention provisoire. Le suspect était en relation avec le terroriste du 14 juillet depuis au moins un an. Il est soupçonné d'avoir été au courant du projet d'attentat. C'est là 6e personne mise en examen depuis le début de l'enquête. Feux d'artifice, festivals, concerts, les annulations se multiplient suite aux attentats. La ville de Nice a annulé sa prom partie du 15 août. Hier, le maire de Marseille a décidé lui aussi d'annuler le meeting aérien de la patrouille de France prévu le 13 août. Reconstruire l'islam en France, c'est ce que souhaite Manuel Valls. Hier, c'était au tour de Bernard Cazeneuve de s'exprimer sur le sujet à la sortie d'un entretien avec le président du Conseil français du culte musulman. Le ministre de l'Intérieur a promis des mesures sur le financement du culte musulman, la formation des imams et le contrôle des mosquées. Pas de suite dans l'enquête du cardinal Barbarin, accusé pour non-dénonciation d'actes pédophiles. L'enquête n'a pas donné suite. Le procureur a estimé que les infractions visées n'étaient pas constituées. Année catastrophique pour les récoltes de blé en France. 28,2 millions de tonnes de blé récoltées, du jamais vu depuis la guerre. Des rendements plus mauvais que prévu, avec comme principale explication la météo qui devrait impacter l'économie française. 90% des vols maintenus, c'est ce que prévoit d'assurer Air France dans son dernier jour de grève aujourd'hui. C'est même 100% des vols long courrier qui devraient décoller. Hier, plus de 150 vols ont été annulés dans les aéroports parisiens. Selon le PDG de la compagnie, la grève devrait coûter des dizaines de millions d'euros. On termine avec du sport et une info au mercato. Le PSG et le Real Madrid proche de trouver un accord pour le transfert de Ressé. Le joueur du Real Madrid veut retrouver du temps de jeu et s'est dit intéressé par le projet parisien. On devrait se diriger vers un contrat de 4 ans. Merci Jules, retour demain pour l'actu dans le morning. Entre 6h, 9h, à demain, ciao. Et bon mardi, il y a la roulette là qui tourne, on vous attend là par SMS 72020, vous envoyez roulette avec la compile Planète Rap 2016 et l'enceinte Monster Backfloat, ça roule dans ça tourne surtout la roulette d'ici allez quoi une petite demi-heure, même pas. Moins d'une demi-heure avant 9h du mat, l'horoscope de l'amour aussi qui arrive et Nekfeu avec Escrew tout de suite. Voici J'aurais pas dû sur Skyrock. Il est 8h33, on est le 2 août aujourd'hui. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow, elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow, j'ai fait du mal à ma petite go. J'ai déconné, j'aurais pas dû, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû, jamais de la vie. Mais je trahissais celle qui quoi, me réconfort. La seule qui veut bien de moi, malgré mes fous. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal, elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow, elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal, j'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow,

R&B. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. Avec Rihanna sur Skyrock à l'instant. On va l'écouter Too Good. C'est mardi, on est le 2 août là aujourd'hui. Il y a le 9h midi qui se prépare avec Maxime. Il est 8h49 et la roulette qui tourne tout de suite. Skyrock t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Avec le son de Mike Posner aussi à écouter. Et Amandine en direct sur Skyrock. Salut Amandine. Salut. Comment ça va Amandine? Bah ouais, ça va et toi? Oui. Bien, en pleine forme, bien réveillée ce matin? Ah, toujours très bien réveillée. Et par contre, j'hallucine sur l'orthographe de ton prénom. Il y a la petite fiche qui est arrivée avec Anthony au standard. Et je dis, oui. Anthony, mais comment t'écris Amandine sans déconner? Je dis, non, c'est ça, je lui ai demandé. Donc, Amandine, je vous appelle A-M-A-N-D-I-Y-N-E. Pourquoi? Ouais. Bah, c'est comme ça, c'est une petite touche. C'est la petite touche de tes parents. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Voilà, c'est ça. Non, mais t'as une explication ou pas? Parce que c'est la première fois que je vois ça. Bah, ça sort de l'original, quoi. C'est sympa. Parce que, je trouve. Pourquoi l'original, c'était comme ça, Amandine? À la base, ça s'écrit. Ouais, avec le I. Avec le I et le Y. Voilà. D'accord, très bien. Ça change. Voilà. Amandine, l'original, on l'a en direct ce matin sur Skyrock. En ce mardi de août. T'es prête pour crier stop? Ah, toujours. Allez, on t'écoute avec la compile Planète Rap et l'ancien Monster Backflot. Donc effectivement, Amandine en pleine forme ce matin, bien réveillée comme vous l'entendez. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Amandine. La totale, la compile Planète Rap et l'enceinte Monster Backflot. Te voilà gâté ce matin avec l'enceinte flottante qui vaut 200 euros, que tu vas pouvoir emmener à la mer, à la piscine, sous la douche, et la compile Planète Rap, la triple compile avec c'est trop cool. Tous les sons de Skyrock à l'intérieur. Te voilà gâté, Amandine. Merci beaucoup. Mais... de rien, bah oui, effectivement, tu vois, t'es gâté ce matin. Grâce à la roulette, on te fait un gros bisou et tu fais quoi toi aujourd'hui? Bah là, je me repose, je suis en repos. D'accord, et bah bonne journée de repos à toi et on te fait un gros bisou. Quitte pas, Amandine IY, je te repasse le standard, on t'envoie tes cadeaux. Bisous Amandine. Ok, merci, bisous à tout le monde, bisous à la team de 107. Et ben c'est passé, et la roulette de retour là tout à l'heure sur Skyrock avec Maxime que vous allez retrouver entre 9h et midi. Et on se fait un extrait de la compile Planète Rap 2016, Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. 8h51. Plus écouté que Hot 97 à New York. Plus écouté que Power 106 à Los Angeles. La radio rappée R&B la plus écoutée au monde, c'est Skyrock. Première radio urbaine mondiale. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis ébahi. Ébahi? Ébahi par qui? Bah par Lidl patron. Ébahi par leur bière d'abbaye. 1,89€ la blonde fruitée en bouteille de 75 centilitres. Et c'est leur bière du mois, elle est dispo dès demain. Une bière blonde d'abbaye à moins de 2€ les 75 centilitres? Ah, c'est la bière Isina. En plus patron, elle est brassée traditionnellement. Et nous on rame hein. Ah, très drôle, patron. Mais quand même, on est mal, hein, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre, 6,5 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Showroomprivé.com présente. Une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur. Un chapeau rigolo quand elle est au boulot. Un mini short très chouette, direct sur sa tablette. Une robe très mignonne sur son petit téléphone. Avec l'appli Showroom Privé, elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin? Je suis au top! Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air! Wow. Et j'ai tout commandé sur oscaro.com! On va te déchirer sur la côte, Martin! Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, pour toute commande sur oscaro.com, gagnez un an de télépéage valable sur toutes les autoroutes de France. Voir conditions sur le site. Oh, les vacances commencent bien! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. Skyrock. Géant. Le meilleur, c'est parfois le dernier. Venez vite profiter du dernier jour des soldes chez Géant. Des centaines de remises vous attendent. Par exemple, pour deux produits mode soldés achetés, le troisième est gratuit. Le dernier jour des soldes, c'est chez Géant. Soldes du 22 juin au 2 août. Hors puériculture, offre article gratuit appliqué sur le moins cher des trois. Les prix bas, c'est Géant. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge, peut-être? Les enfants qui prennent du temps? Mais du coup, avez-vous pensé au CNED? Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé? Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connecté à votre avenir. À Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf! Avec plein de personnages Disney. En ce moment, à Disneyland Paris, découvrez le nouveau spectacle d'illusion Mickey et le magicien. Retrouvez les personnages Disney comme vous ne les avez jamais vus. Skyrock.

Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. The hottest hip hop and on. Let's go. Skyrock. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I ain't gonna hold out neither. I'ma give it all to you, baby. Swear I'm on. Usher. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it. Baby, for a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. For me, baby, and how it moved through you. I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Sur le rap, premier sur les classiques avec Mariah Carey et Busta Rhymes. On écoutait I Know What You Want un instant sur Skyrock. Rap R&B non-stop toute la matinée, c'est jusqu'à midi avec le nouveau Soprano qu'on va écouter, un extrait de l'album L'Everest, album qui arrive à la rentrée. Nouvel album pour Soprano et attention, tournée Skyrock, deux dates fin 2017, ça se passe au Stade Vélodrome et à l'Accor Hotel Arena, c'est le tout nouveau Bercy du côté de Paris, ce sera au mois de septembre et vous pouvez acheter vos places directement sur le skyrock.fm. Soprano en feu, c'est le nouveau juste après Panda Designer tout de suite. Le gros son rapueuse de Designer à écouter ce matin. Designer, Panda, Soprano, le nouveau en feu et Calvin Harris avec Rihanna. This is what you came for sur Skyrock tout de suite. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500 € dans le Morning Daddy Fool. C'est vrai ? Mais oui ! The Morning Show ! Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Showroomprivé.com présente. Cette petite robe frivole, ça y est, je deviens folle. Oh, ces ballerines en peau, j'en suis déjà marteau. Cette sélection de fringues pourrait bien me rendre dingue. Sur Showroom Privé, je m'apprête. Et oui, pas folle la guêpe. Et en ce moment, retrouvez les Crazy Days, les grandes marques jusqu'à moins 80% sur showroomprivé.com. Showroomprivé.com, il est urgent de se faire plaisir. Voir conditions sur le site jusqu'à épuisement des stocks.